Section 13, chapitre 24 et chapitre 25. Chapitre 24. Kersak et Monsieur Abel font connaissance. Avant de quitter la chambre, Kersak serra Jean dans ses bras, et avec une telle force que Jean demanda merci. Il étouffait. Tous deux descendirent en riant. Jean se mit à décrotter et cirer les chaussures. Kersak s'y mit aussi avec ardeur, et tous deux causaient avec tant d'animation qu'ils n'entendirent pas entrer Monsieur Abel. Il les regardait depuis quelques instants en souriant lorsque Kersak se retourna. Kersak, tiens, qui est-ce qui vient nous déranger ? Jean se retourna à son tour, jeta brosse et souliers et s'avança précipitamment vers Monsieur Abel. Jean, cher, cher monsieur, encore un bonheur. C'est Monsieur Kersak que vous voyez là. Il m'annonce, vous ne devineriez jamais quoi. Il m'annonce, Monsieur Abel, qu'il épouse ta mère. Parbleu, c'est clair. Jean étonné, comment avez-vous deviné ? Monsieur Abel, tu sais que je devine tout ce qui te concerne. Jean, c'est vrai ça, monsieur, nous nous entendons si bien. Kersak était resté la bouche ouverte, les yeux écarquillés, tenant une brosse en l'air d'une main et une bottine de l'autre. Monsieur Abel s'avança vers lui en riant. Kersak, sans penser au cirage qui noircissait ses mains, prit celle de Monsieur Abel dans les siennes et les serra avec la force d'un charretier herculéen. Monsieur Abel, qui ne lui cédait en rien sous ce rapport, serra à son tour jusqu'à ce que Kersak eût jeté une espèce de cri de douleur. Kersak, sac à papier, quelle poigne ! Eh bien, monsieur, si vous êtes de cette trempe, il vaut mieux vous avoir pour ami que pour ennemi. Dis donc, Jean, tu ne m'avais pas dit cela ? Jean, c'est que je ne le savais pas. Monsieur Abel m'avait toujours serré les mains bien doucement, sans me faire de mal. Ah, mon Dieu, regardez donc vos mains, messieurs, pleines de cirage, ajouta Jean en riant. Monsieur Abel riant aussi, c'est ma foi vrai, noir comme si j'avais ciré mes bottes. Kersak, bien pardon, monsieur, c'est moi, je n'y ai pas pensé. C'est que nous venions de parler de vous, monsieur, et alors vous comprenez ? Je comprends, dit Abel en adressant à Jean un sourire affectueux. Et puisque j'ai les mains noires comme les vôtres, je vais vous aider à dépêcher votre ouvrage. Nous allons décroter tout cela, comme trois bons amis. Monsieur Abel mit un tablier de Barcus, saisit une brosse, un petit brodequin de Suzanne, et se mit à brosser et à cirer comme un vrai décroteur. Kersak le regardait avec un étonnement qui faisait rire Monsieur Abel, déjà enchanté du nouveau rôle qu'il s'était adjugé. Quand ils eurent fini, Abel proposa de descendre à la cuisine pour se savonner les mains. Ils y allèrent tous les trois. Le cuisinier, accoutumé aux excentricités de Monsieur Abel, lui présenta une terrine d'eau tiède et un morceau de savon, sans demander d'où provenait ce cirage sur les mains de Monsieur Abel. Jean et Kersak se lavèrent dans un seau. « Au revoir, mon ami Kersak, » dit Monsieur Abel en s'en allant. « Je suis entré en passant pour savoir des nouvelles de mon pauvre petit Roger. Jean, sais-tu comment il va ? Il était bien souffrant hier soir. » Jean. Je n'ai pas encore eu de ces nouvelles ce matin, monsieur. L'arrivée de monsieur Kersak m'a tout bouleversé. J'étais si content de le revoir. Monsieur Abel, je vais avoir des nouvelles par Grignan. Je reviendrai dîner. Préviens Barcus. Jean, oui, monsieur. À revoir, monsieur. Monsieur Abel, à revoir, mon enfant. À ce soir, monsieur Kersak. Vous savez que nous sommes ensemble témoins de Simon. Kersak, oui, monsieur. C'est bien de l'honneur pour moi. Monsieur Abel, et pour moi, donc. Je ne connais rien de plus respectable qu'un honnête cultivateur, brave homme, et faisant le bonheur de tous ceux qui l'entourent. « J'ai les mains propres, » ajouta-t-il en tendant sa main à Kersak. « Et vous aussi. Nous pouvons nous donner une poignée de main et sans nous briser les os, » ajouta-t-il en riant. Kersak prit la main d'Abel et la serra un peu trop vivement à l'idée de Monsieur Abel. « Prenez garde, » dit-il. « Si vous serrez, je serre. « Et moi je lâche !» dit Kersak en reculant d'un pas. Abel s'en alla en riant et monta chez Monsieur de Grignan. Il ne tarda pas à revenir et dit à Jean en passant, « Roger va un peu moins mal. Il voudrait te voir et il te demande de lui amener notre ami Kersak, dont je lui ai parlé. « À revoir, mes amis. Jean, dis à Simon qu'il vienne me voir à l'hôtel Meurice. Nous avons bien des choses à régler pour la noce et pas de temps à perdre. C'est pour après-demain. Tâchez de venir tous les deux avec lui. » Nous arrangerons les heures, les moyens de transport, etc. » Monsieur Abel sortit. « Jean, Monsieur Kersak, je vais vous laisser un moment pour aller chez le pauvre petit Monsieur Roger. Il voudrait bien vous voir, le pauvre enfant. Vous voulez bien que je revienne vous chercher, n'est-il pas vrai ? Il a si peu de distraction, le pauvre petit. Il est si gentil, si doux, si patient, un vrai petit ange. Kersak, je t'attends, mon ami, je t'attends. Lorsque Jean entra chez Roger, sa mère était près de lui. Celui-ci tourna la tête avec effort. « Et ton ami, monsieur Kersak, dit-il, je voudrais bien le voir, si cela ne l'ennuie pas trop. » Jean, je vais vous l'amener, monsieur Roger. Il sera bien content de faire connaissance avec vous. Il vous aime sans vous connaître. Roger, il est trop bon. Tous ceux qui m'aiment sont trop bons. Je n'ai rien fait pour qu'on m'aime. Tout le monde se fatigue pour moi, et moi, je ne fais rien pour personne. Jean, rien ? Vous appelez rien ? De prier pour nous tous comme vous le faites, cher monsieur Roger. Roger, quand je serai près du bon Dieu et de la Sainte Vierge, je prierai mieux. Ici, je prie mal, parce que je souffre trop. Je serai bien heureux ce jour-là. Roger ferma les yeux, joignit ses petites mains comme s'il priait. Ensuite, il dit à Jean, « Mon bon Jean, amène-moi, monsieur Kersak, je t'en prie. » C'est peut-être mal d'être si curieux, mais j'ai bien envie de le voir pendant que je suis un peu mieux. Jean sortit et alla demander à Kersak de monter. Pour arriver chez Roger, il fallait passer par le salon. Kersak s'y arrêta, frappé d'étonnement. La tenture de damas rouge, les fauteuils dorés, les divers meubles de fantaisie qui ornaient le salon, le lustre en cristal et en bronze, le beau tapis d'Aubusson, tout cela était pour lui les contes des mille et une nuits. Des richesses sans pareil. Jean, voyant son admiration, s'arrêta quelques minutes, puis, ouvrant la porte de Roger, il fit entrer Kersak. Ce dernier fut vivement impressionné par l'aspect de cette chambre. Le demi-jour, ménagé à dessein pour ne pas fatiguer les yeux du petit malade, le silence qui y régnait, l'attitude accablée mais résignée de Madame de Grignan, assise près du lit de son fils, l'enfant lui-même, d'une maigreur et d'une pâleur effrayantes, les mains jointes, le visage légèrement animé par un doux sourire, tout cet ensemble produisit sur Kersak une impression si vive de respect, d'attendrissement, que sans penser à ce qu'il faisait, il se laissa tomber, à genoux, près du lit de ce pauvre petit enfant. Roger, surpris et touché, voulut prendre de sa petite main décharnée celle de Kersak, mais il n'en eut pas la force. Kersak, qui avait senti le mouvement, prit bien doucement cette petite main dans les siennes, la baisa et la plaça ensuite sur sa tête, comme pour avoir une bénédiction. Puis, se tournant vers Madame de Grignan qui l'entendait pleurer, « Pauvre dame, dit-il, pauvre mère, mais heureuse de le voir souffrir si saintement, répondit Madame de Grignan. » Kersak se releva. « Roger, monsieur Kersak, Jean vous aime beaucoup, je vois qu'il a raison. Vous aimez le bon Dieu et vous le priez. Je prierai aussi pour vous. » Et voyant une larme rouler le long de la joue de Kersak, « Il ne faut pas pleurer pour moi, monsieur Kersak. Je souffre ce que le bon Dieu m'envoie, et je sais que bientôt le bon Dieu me prendra avec lui. Je serai alors si heureux que je ne penserai plus à mes souffrances. » Roger se reposa un instant. Kersak voulut parler, mais il ne put articuler une parole. Il se borna à regarder la mère et l'enfant avec une respectueuse émotion. Enfin, oubliant la beauté des meubles, il s'assit dans un fauteuil habituellement occupé par M. de Grignan et garda dans sa main la main de Roger. Roger pressa légèrement, bien légèrement, car la force lui manquait, la grosse main de Kersak. Jean se tenait près d'eux. Il regardait tantôt Roger, tantôt Kersak. Si M. Abel avait pu voir l'expression de son regard, il eût fait un cinquième tableau de cette scène touchante, dont l'âme, le héros, était un enfant de 10 ans, bien près de la mort. Le silence, l'immobilité, amenèrent chez Roger un calme, un bien-être, qui finit par le sommeil. Quand Madame de Grignan le vit endormi, elle dégagea tout doucement la main de Roger de celle de Kersak, fit signe à ce dernier de ne pas faire de bruit et de s'en aller avec Jean. Puis elle fit de la main un signe amical à Kersak, qui sortit avec Jean. Il ne regarda pas le beau salon en s'en allant. Il ne dit pas une parole. Arrivé dans la chambre de Jean, Kersak s'assit et essuya ses yeux du revers de sa main. « Kersak, je ne me souviens pas d'avoir été émotionné comme je l'ai été chez ce pauvre enfant. Je me suis senti remué jusqu'au fond de l'âme. » ce petit être souffrant, si doux, si tranquille, si heureux, et puis cette pauvre mère qui pleure, mais qui ne se plaint pas, et tout ça si calme et sentant la mort. Jamais je n'oublierai les instants que j'ai passés là. J'y serais resté des heures, si on avait bien voulu m'y laisser. » Il finit pourtant par se remettre. Jean chercha à le distraire en lui racontant d'abord des paroles charmantes du petit Roger, ensuite des aventures de café, puis le concert et le bal, égayés par M. Abel. Kersak riait de tout son cœur quand Barkus vint les appeler pour déjeuner. Chapitre 25. Kersak voit Simon, rencontre Jeannot. Kersak s'émerveilla du bon et copieux déjeuner qu'on leur servit, et ses convives s'émerveillèrent de son appétit infatigable. Sa dernière bouchée fut avalée avec le même empressement que la première. Après le repas, Jean lui proposa d'aller chez Simon, ce que Kersak accepta avec plaisir. Jean le mena par le plus beau et le plus court chemin, les Champs-Élysées, la place de la Concorde et la rue de Rivoli. Il lui fit voir en passant l'hôtel Meurice où demeurait son cher monsieur Abel, puis l'épicerie où avait été Jeannot, puis dans la rue Saint-Honoré, le café où lui-même était resté près de 3 ans, et Simon 7 ans. Ils arrivèrent non sans peine chez Simon, car Kersak s'arrêtait à chaque pas pour admirer les boutiques, les voitures, les bâtiments. Tout était pour lui nouveau et merveilleux. Jean monta rapidement les 2 étages de Simon. Kersak le suivit plus modérément. Simon venait de finir son déjeuner-dîner et se préparait à descendre au magasin. « Simon, voici M. Kersak qui vient te voir !» s'écria Jean en entrant chez son frère. « Simon, M. Kersak, que vous êtes bon, monsieur, de faire ce grand voyage pour moi !» Kersak, « Pour vous, mon ami, et pour Jean, et pour votre mère !» Jean, « Maman va devenir la femme de M. Kersak, il me l'a dit tantôt, il sera mon père, c'est drôle ça, n'est-ce pas ?» Simon, « Pas possible, c'est-il vrai, M. Kersak ?» Kersak, « Très vrai, mon ami. À mon retour. » Simon, quel bonheur pour notre pauvre mère, cher monsieur Kersak. Simon embrassa Kersak, qui le serra à l'étouffer comme il avait fait pour Jean. Simon, et quel dommage que ma mère n'ait pas pu venir avec vous. Kersak, c'était impossible, mon ami. Toi épousant une fille de haute volée, une parisienne, ta mère se serait trouvée embarrassée, déplacée avec tout ce beau monde. Et puis, tant qu'elle n'est pas ma femme, elle est ma fille de ferme. Je n'aurais pas voulu que ta mère se présentât comme fille de ferme chez tes parents. Et puis la pauvre femme y avait une très grande répugnance, probablement à cause de tout cela. Moi-même, je ne m'y suis réellement décidée qu'en partant. J'ai vu que ça me faisait quelque chose de la quitter. C'est qu'elle est bien bonne. Elle m'est bien attachée. Et je pense que nous ne serons malheureux ni l'un ni l'autre. Simon, ma mère ne le sait donc pas comme ça ? Kersak, elle n'en sait pas le premier mot. Simon, et si elle allait refuser ? Kersak, étonné, comment, qu'est-ce que tu dis ? Refuser ? Diantre, je n'avais pas pensé à cela, moi. Ah bien, si elle refusait, c'est que j'en serais bien chagrin. Oui, oui, ce serait une vraie perte pour la ferme et pour moi. Jamais je ne trouverais à remplacer cette femme-là. Quel diable d'idée tu as eue, Simon ? Je ne vais pas avoir un instant de tranquillité jusqu'à mon retour là-bas. Simon, souriant, rassurez-vous, mon cher père, ce n'est qu'une supposition. Pourquoi refuserait-elle de rester avec vous, puisqu'elle vous aime tant et qu'elle est si heureuse chez vous ? Soyez tranquille, vous serez notre père, à Jean et à moi. Kersak, c'est possible, mais ce n'est pas certain. Dis-moi, Simon, à quand ta noce ? Simon, après-demain, monsieur Kersak. Demain matin, je voudrais bien aller chez monsieur Abel pour lui demander son heure et convenir de tout avec lui. Jean, tout juste, il t'a fait dire d'aller avec nous à l'hôtel Meurice, avant 9 heures. Passé 9 heures, on ne le trouve plus. Simon, je le sais bien. Pouvez-vous venir me prendre ? Jean, oui, oui, j'ai prévenu M. Barkus. Kersak, après-demain la noce, le lendemain au soir, je file pour arriver à Sainte-Anne le matin de bonne heure. Jean, déjà, monsieur ? Kersak, il le faut bien, mon enfant. Dans une ferme, le temps qu'on perd ne se rattrape pas. Et puis, il faut que je parte. Ils causèrent quelque temps. Kersak demanda à voir Mademoiselle Aimée. Simon le présenta à monsieur, à Madame Amédée et à Aimée. Kersak secoua la main du père à lui disloquer l'épaule, serra la main de la mère à lui engourdir les doigts. Quant à Mademoiselle Aimée, quand elle voulut lui donner la main, Kersak. Du tout. Dans mon pays, les témoins embrassent la mariée. » Et de ses bras vigoureux, il enleva de terre Mademoiselle Aimée et l'embrassa sur les deux joues avant qu'elle eût le temps de se reconnaître. Effrayée pourtant, elle appela Simon à son secours. « Eh bien, quoi, la belle enfant ? » dit Kersak en la posant à terre. « Il n'y a pas de mal, je suis témoin. Après-demain, la noce. À quelle heure ? Où se réunit-on ? » « Monsieur Amédée. C'est à 9 heures précises, monsieur. Le mariage à la mairie d'abord, puis à l'église à 9h30. Ensuite, on déjeune chez nous. Et puis, on ira passer la journée à Saint-Cloud. Et là, c'est monsieur Abel qui donne à dîner et qui se charge du reste de la soirée. « Très bien, » dit Kersak. « Nous serons exacts. » Kersak ne resta pas longtemps chez Léa Médée. Il dit qu'il avait des emplettes à faire et il partit avec Jean. Kersak. « Dis donc, Jean, c'est à Médée me gêne. Je ne me sentais pas à mon aise avec eux. » Jean. « Ah, vraiment ? Je suis content que vous me disiez cela, parce que c'est la même chose pour moi. Je suis toujours un peu gêné chez eux. Tandis que je me sens si bien à l'aise avec vous et avec monsieur Abel. Ça gâte tout d'être gêné. » Kersak. « Tu as bien raison. Et puis, vois-tu, Léa Médée, c'est parisien, commerçant parisien. Ça se moque des bonnes gens comme moi, un campagnard, un fermier, qui n'a pas d'habits ni de gants. Ça ne se dit pas, mais ça se devine. Franchement, je serai content quand la noce sera finie. Et je suis plus content encore de n'avoir pas amené ta mère. La pauvre femme, elle aurait eu de l'embarras, de la crainte de faire quelque sottise, de faire rire d'elle. Et moi, ça m'aurait fait souffrir. J'en aurais été tout démonté. » Jean. « Vous avez fait pour le mieux, monsieur. Où allons-nous maintenant ? » Kersak. « Je voudrais acheter mon présent de noces pour madame Simon, et puis mon présent de noces pour ta mère, car, Simon a beau m'avoir troublé l'esprit, je crois encore qu'elle ne refusera pas de vivre chez moi comme ma femme, puisqu'elle y vit bien, comme ma servante. Je n'aime pas à la voir en service chez moi. Elle vaut mieux que ça. » Jean demanda à Kersak quelques explications sur ce qu'il voulait acheter. « Un bijou pour la jeune mariée, répondit-il, et un châle pour la vieille mariée, ajouta-t-il en riant. Ils allaient entrer chez un bijoutier voisin du café Métis lorsqu'ils se rencontrèrent nez à nez avec Jeannot. La surprise fut grande des deux côtés. Après le premier échange de bonjour, Jeannot les invita à prendre un café et un petit verre. Jean allait refuser, mais Kersak lui fit signe d'accepter. Et une fois attablés au café, il poussa Jeannot à boire copieusement et lui fit d'abord compliment sur sa mise élégante. « Tu es vêtu comme un grand seigneur, Jeannot. »« Oh ! » dit Jeannot d'un air dégagé et dédaigneux. « Ces vieilles nippes sont bonnes pour traîner le matin, mais le soir, on se fait plus beau que ça. » Kersak. « Ah ! Tu ne te trouves pas assez beau comme tu es là ? » Jeannot. « Pour Jean, ce serait bien, mais pour moi... » Kersak. « Diantre, monsieur Jeannot est devenu grand seigneur, à ce qu'il paraît. » Jeannot. « Mais un peu. Ainsi, on ne dit plus Jeannot tout court. On ne me tutoie plus. » Kersak. « Et qu'est-ce qui vaut à monsieur Jeannot sa haute position ? » Jeannot. « Peu. Je ne suis pas bête, vous savez. » Kersak. « Non, je ne savais pas. » Jeannot. « Je dis donc que je ne suis pas bête. J'ai eu l'habitude de me faire bien voir de monsieur Boissec, l'intendant de monsieur le comte. Je lui ai rendu des services. » Kersak. « Quel service as-tu pu rendre à un aussi grand personnage ? » Jeannot. « Je l'ai servi avec zèle, je l'ai flatté, j'ai fait pour lui des affaires dans lesquelles il ne voulait pas paraître. » Jean. « Des affaires ? Quel genre d'affaires ? » Jeannot. « Des affaires d'argent, des mémoires à payer, des vins à acheter, des commandes à faire, et autre chose qui rapporte beaucoup. » Jean. « Comment peuvent-elles rapporter ? » Jeannot. « Es-tu naïf ? Tu ne comprends pas ? En payant un mémoire de 100 francs, je suppose, outre les 5%, je marchande. Je trouve les objets trop chers. Je menace de changer de fournisseur. Le fournisseur qui a tout porté au double rabat un quart et le 5% en sus. Monsieur Boissec porte au maître le mémoire avec la somme entière. Il empoche les 30%, 30 francs sur 100, et ainsi du reste. Et comme la maison est riche, qu'on y dépense plus de 100 000 francs par an, tu penses que l'intendant se fait un joli magot. » Jean était indigné et allait se récrier, mais Kersak le poussa du coude et continua à faire boire et parler Jeannot. Kersak. « Ce n'est pas bête, en effet, ce que tu fais là, mais je ne vois pas là-dedans quel bénéfice tu y trouves, toi. » Jeannot. « Au commencement, pas grand-chose. une pièce de 5 francs, de 10 francs, par-ci, par-là. Mais quand je me suis habitué aux affaires, j'ai fait les miennes aussi. Kersak, comment ça ? Jeannot, voilà, je m'arrangeais avec les marchands pour qu'ils chargeassent leur mémoire. Avec l'épicier, en outre le prix, il y a le poids. Et alors, au lieu d'en rogner le quart, je lui en rognais le tiers. Je déclarais toujours le quart à M. Boissec et je gardais le reste. Kersak, mais pourquoi M. Boissec ne fait-il pas ses affaires lui-même ? Il doit se méfier de toi. Jeannot, il ne voulait pas paraître dans les affaires pour ne pas être pris. En cas de découverte, il fait tout tomber sur moi. Il me fait chasser comme un voleur et le maître est content. Il croit M. Boissec un trésor de probité. Kersak, et toi donc, tu te trouves sur le pavé ? Jeannot, oh que non ! Il me replace bien vite dans une autre bonne maison en me recommandant comme un sujet rare. En attendant une place, il me fournit de quoi vivre, sans quoi je parlerai. Et quant à se méfier de moi, je ne sais pas s'il s'en méfie, mais il n'en témoigne rien toujours. Il n'oserait pas. Kersak, quel mal pourrais-tu lui faire ? Jeannot, quel mal ? Le dénoncer au maître en faisant l'indigné et en déclarant que je suis honnête homme, que je suis attaché au maître et que je ne peux plus souffrir de les voir trompés par un voleur. Ou bien un autre moyen, c'est d'écrire une lettre anonyme en plaignant le pauvre garçon, moi, de se trouver obligé par la misère à aider à ces friponneries qui le révoltent. Jean ne pouvait plus se contenir. Jean, Jeannot, ce que tu fais, ce que tu aides à faire, est infâme. C'est un vol abominable, une tromperie indigne. Jeannot, pauvre Jeannot, sors de cette maison, quitte Paris où tu as de mauvaises connaissances. Retourne au pays. Notre bon monsieur Kersak aura pitié de toi. Il te trouvera de l'ouvrage. Mais mon pauvre Jeannot, je t'en supplie, ne reste pas dans cette maison de voleurs. Jeannot, mon garçon, tu es un niais. La maison est bonne et j'y resterai. Je veux être dans une maison riche. Elles sont toutes de même. Les maîtres ne s'occupent pas des domestiques. Ils les laissent tranquilles, ne s'informent pas. S'ils passent les nuits dehors, au café, au bal ou au théâtre, n'importe. Ils payent, ils se laissent voler. À la chambre, à la cuisine, à l'écurie, c'est tout la même chose. Je vis heureux, je m'amuse. Je fais bonne chère, de l'argent à profusion, j'en dépense et j'en refais. Toi, au contraire, tu travailles, tu t'ennuies, tu fais maigre, tu restes à la maison, tu vas à la messe, tu mènes une vie de capucin. Ça ne me va pas. Toi, je ne t'en empêche pas si tu préfères un capucin à un bon garçon qui boit, qui danse, qui fait la vie. Jean. Mais Jeannot, pense donc qu'il y a un après, comme je te le disais un jour. Et que... Jeannot. Ta ta ta, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas d'après. Je ne veux pas que tu me cornes aux oreilles ton après, qui me revient déjà assez souvent. Jean. Et qui gâte ta vie, pauvre Jeannot. Jeannot. Parbleu, non, car j'en vois promener ton après et toi-même avec. Tiens, je n'aime pas à te rencontrer, Jean. Tu as toujours de sottes paroles qui me troublent ma journée, ma nuit, et qui me taquinent, quoique j'en aie. Garçon, la note. Le garçon apporta la note. On avait consommé pour 5 francs de café, eau-de-vie, liqueur. Jeannot tira de l'or de sa poche, donna une pièce de 20 francs, empocha la monnaie et sortit sans attendre ses compagnons. Kersak et Jean sortirent aussi, mais ne suivirent pas Jeannot. « Quelle canaille ! » dit Kersak. « Malheureux Jeannot ! » dit Jean. Kersak. « Ai-je eu de la peine à me tenir pendant que ce gredin nous défilait son chapelet de gueuserie ? Si je n'avais voulu le laisser se découvrir tout à fait, je lui aurais brisé la mâchoire d'un coup de poing, dès la première tirade. » Jean. « Ah, si j'avais l'esprit, l'instruction, la charité de M. Abel, j'aurais trouvé de bonnes paroles qui auraient peut-être touché le cœur de ce pauvre garçon. » Kersak. « Ah oui, un gueux comme ça, rien n'y fera. C'est un être sans cœur, rien ne le touchera. Je le disais bien à ta mère, il finira par se faire coffrer. » Pourvu qu'il ne se fasse pas mettre au bagne et qu'il se borne à la correctionnelle. Mais te voilà tout triste, mon enfant. Cela ne t'arrive pas souvent. Entrons chez un bijoutier. Tu m'aideras à bien choisir. Fin de la section 13.